Peu de gens connaissaient son nom, Irving Brown, un nom par ailleurs passe-partout. Et ils étaient encore moins nombreux à savoir ce que faisait exactement cet Américain jovial et bon vivant, qui aimait tellement notre cuisine et nos vins qu'il s'est définitivement installé en France et qu'il y est mort. Mais combien de secrets demeurent enfouis à jamais sous la dalle de pierre du cimetière Montparnasse où il repose depuis le 14 juillet 1989, une date symbolique pour cet homme qui appréciait tant notre pays. Sans déflorer le long entretien que M. X m'a accordé, je peux simplement vous dire que Brown a sans doute été l'un des personnages clés de la guerre froide, un acteur présent sur presque tous les fronts, mais qui a raté de peu le succès de son camp, et donc de sa vie, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin et l'implosion de l'Empire soviétique. Homme de l'ombre, espion, manipulateur, Irving Brown, syndicaliste de formation, a été un infatigable commis-voyageur de la propagande occidentale. Ce polyglotte était à l'aise partout où il passait, d'autant qu'il venait rarement les mains vides. Mais c'est sans doute en France qu'il a le plus souvent exercé ses talents, en témoignent ces nouvelles révélations de M. X. Un petit portrait pour commencer? C'est celui d'un homme agréable, à l'intelligence aiguë, toujours en mouvement, chaussé de lunettes à grosse monture noire. Brown doit à sa gourmandise un tour de taille grassouillé et des joues bien remplies. Une rondeur trompeuse malgré son goût pour les vins fins, la bonne chair et surtout les plats en sauce. L'Américain ne dort jamais que d'un œil et pas plus de 4 heures par nuit. On dirait que vous l'avez connu, là. Mais pourquoi pas. Même si Brown se gardait la plupart du temps de paraître en public, il disposait d'un solide réseau de relations dans de nombreux milieux. Ah, et par conséquent... Ah, écoutez, je suis pas là pour parler de moi. Alors, d'où venait Irving Brown? J'imagine que c'est la première question que vous voulez me poser. Hein. Si vous faites maintenant aussi des questions... Je vous en prie. Brown est né en 1911 dans un quartier populaire de New York, le Bronx. Juif, sa famille est d'extraction modeste. Son père, Ralph, est livreur de lait. Mais c'est aussi un syndicaliste, un authentique socialiste qui va beaucoup influencer son fils. Et puis, être syndicaliste à cette époque en Amérique, c'est une attitude courageuse. Oui, les affrontements avec le patronat et ses milices privées sont plutôt rudes. Et puis, c'est le temps de la prohibition. Et des gangsters. Des gangsters qui essaient de mettre la main sur les syndicats. C'est d'ailleurs le cas des fameux Teamsters, le syndicat des transports auquel appartient Ralph Brown. Et qui finira d'ailleurs par être dirigé par la pègre. Et le célèbre Jimmy Hoffa, oui. Mais ne nous éloignons pas. En tout cas, le jeune Irving est passionné par les luttes syndicales que mène son père. Autre hobby, le baseball. Il pense même devenir professionnel. Mais à la suite d'un accident, il doit renoncer à son rêve. Mais ses études, hein? Sa famille est pauvre. En outre, les convictions politiques de Brown Senior représentent un obstacle. Quoi, pas de bourse? C'est ça. Et pour suivre néanmoins des cours à l'université de New York, Irving exerce une multitude de petits boulots, bagagiste, serveur et même grouillot au New York Times. En même temps, le jeune homme s'intéresse beaucoup aux querelles idéologiques qui agitent les cercles étudiants de gauche. Il se mêle à ces querelles. Bien évidemment. Il devient même président de l'un de ces cercles. Et cette nomination va décider de sa future orientation politique. Expliquez-moi. Irving Brown invite lors d'une réunion un certain Jay Lofton. Celui-ci n'est pas n'importe qui. Secrétaire national du Parti communiste américain. Il vient d'être viré pour déviation idéologique. Ouais, il a quoi? Il a critiqué Staline? C'est à peu près ça. Et cette invitation du renégat, comme l'appellent les communistes restés au parti, vaut au jeune homme de violentes invectives. Un feu nourri d'insultes sectaires de la part des partisans de Staline qui conduit Brown Jr. à songer qu'un mouvement ouvrier libre devra s'affranchir de ce genre de militants. C'est-à-dire des communistes qui obéissent à Moscou. Et bientôt, pensera-t-il, c'est l'idéologie communiste en elle-même qui secrète ces réactions. Donc il devient anticommuniste. Sans cesser pour autant d'être socialiste. Un dernier mot à propos de cet épisode. Sa rencontre avec Lofton le marque profondément. À tel point que cet ancien communiste tiendra même pour lui le rôle de mentor. Quoi qu'il en soit, dès la fin de ses études universitaires, il choisit la voie du syndicalisme. Ah bah, Un peu comme on choisit un métier. Exactement. Et c'est ainsi qu'il devient permanent du syndicat de l'automobile à Chicago. Ah, la ville des gangsters. Et Brown n'est pas du genre à rester dans son bureau quand la bagarre menace. C'est parfois revolver au poing que se règlent les conflits avec les nervis du patronat de l'automobile. Ainsi, en 1937, affrontant les hommes du service de sécurité des usines Ford, est-il violemment tabassé. L'épisode a été si brutal que l'un de ses camarades ne se relève pas. Frappé à mort. Oui. Et 2 ans plus tard, Brown sera l'un des principaux témoins lors du procès engagé contre Ford. Enfin, tout ça pour vous dire que le jeune syndicaliste n'est pas une mauviette et qu'il est prêt à se battre pour ses idées. Et puis c'est aussi l'époque de la guerre d'Espagne. Fidèle à ses convictions de gauche, Brown, sans hésiter, prend publiquement parti pour la République contre les généraux factieux. Et dans le même temps, il grimpe dans les hiérarchies syndicales. Alors, son militantisme est donc apprécié. Et il a surtout un parrain très influent. Alors, qui là ? Ce même Lovestone, exclu du Parti communiste américain, l'ancien dirigeant, décidé à prendre sa revanche, a en effet noué des relations étroites avec 2 importants syndicalistes new-yorkais. Juifs comme Lovestone lui-même, qui est un émigré lituanien, Dubinsky et Vol sont des personnalités qui comptent au sein de la première organisation syndicale des États-Unis, l'AFL, c'est-à-dire la Fédération américaine du travail. Oui, mais il existe alors une autre confédération syndicale. Hein. C'est juste. Le CIO, le Comité pour l'organisation industrielle, plus à gauche que l'AFL. Ben, vous le savez sans doute, les 2 confédérations finiront par s'unir. Oui, pour créer l'organisation actuelle, l'AFL-CIO. Hein. Ces 2 dirigeants syndicaux ont de l'ambition. Et ils occupent déjà des places éminentes au sein de l'AFL. Dubinsky préside par exemple le très important syndicat international des travailleurs de la confection, pour dames. Et son organisation dispose de considérables moyens financiers. Quant à Vol, après avoir très curieusement dirigé une organisation patronale, il est devenu le secrétaire de la Ligue ouvrière pour les droits de l'homme. Ah ouais, des patrons ouvriers, quoi, étrange parcours, hein. Et qui signifie sans doute qu'avant d'être un syndicaliste convaincu, ce type est surtout désireux de faire carrière. En tout cas, cornaqué par Lovestone, Brown fait bientôt partie de leur petit cercle auquel se joignent d'autres hommes, tels que George Meany, le futur président de l'AFL, un ancien compagnon de Lénine et Trotsky. Ah, renégat, lui aussi. Du point de vue des communistes orthodoxes, assurément. Et pour ces syndicalistes, il ne fait nul doute que le bolchevisme est le pire ennemi des travailleurs. Et le nazisme, nous sommes maintenant dans les années 30. Ces syndicalistes le mettent sur le même plan que le communisme. Ah oui, où se place entre les deux ? Au centre, oui. Et la conséquence est logique. Quel système, sinon le système démocratique, peut faire face victorieusement à ces 2 totalitarismes ? Cette réflexion amènera peu à peu ces hommes qui viennent tous de la gauche, je vous le rappelle, à se rapprocher du pouvoir états-unien. Ouais. La société états-unienne qui devient pour eux une sorte de modèle. Quoi. Exactement. Et notez que l'Amérique de Roosevelt devient alors un refuge pour nombre de militants qui fuient les dictatures. Républicains espagnols, trotskistes soviétiques, en but à la folie stalinienne, antifascistes italiens ou allemands anti-nazis. C'est l'Amérique qui leur promet la liberté alors que la France, traditionnelle patrie des droits de l'homme, sombre dans la collaboration avec les nazis dès l'instauration du régime de Vichy. Et enferme même ces étrangers exclus et contestataires dans des camps de concentration. C'est malheureusement la vérité. Mais revenons en Amérique et à ces syndicalistes qui épousent la cause de la démocratie états-unienne et n'ont donc plus aucun scrupule à collaborer avec des services officiels, tels le FBI. Malgré la réputation exécrable d'Edgar Hoover. Hoover, le réactionnaire, l'ennemi forcené des Rouges et des syndicalistes, oui. Mais c'est la guerre. Car il faut reconnaître à Lovestone et à ses amis, dont Brown, qu'ils sont les farouches partisans d'une entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne. Quoi, leur rejet du nazisme. Oui, une conviction qui prime sur leur détestation du communisme. Et puis, il y a le fait que parmi eux, il y a de nombreux juifs. C'est-à-dire des gens qui ont compris depuis longtemps, et bien avant les autres, quelle était la véritable nature du régime hitlérien. Mais aux États-Unis, leur cause n'est pas encore très populaire. Les isolationnistes, et parmi eux des gens très influents, comme l'homme d'affaires Joe Kennedy, qui n'a jamais caché sa sympathie pour Hitler, sont puissants et influents. Il faut attendre la dramatique surprise de Pearl Harbor pour que Roosevelt puisse enfin engager son pays dans la guerre. Ouais, surprise, avez-vous dit, mais était-ce vraiment une surprise? Ah, ça, c'est autre chose. Peut-être en reparlerons-nous un jour. La conséquence immédiate pour nos syndicalistes, c'est qu'ils veulent, à leur façon, participer à l'effort de guerre. Ainsi, Brown, pour ne parler que de lui, entre en 1943 dans un organisme officiel chargé d'étudier les questions économiques et sociales liées à la guerre. Et rapidement, il en devient vice-président. C'est à ce moment que son destin va basculer. Pourquoi? Parce qu'en même temps, Roosevelt dote les États-Unis de services spéciaux. Ah oui, car aussi extravagant que cela paraisse aujourd'hui, hein, jusque-là, les Américains n'avaient pas de service de renseignement extérieur. En effet. Or, le général Donovan, qui va créer le légendaire OSS, imagine très vite que pour développer la résistance anti-nazie en Europe, il faut en priorité s'appuyer sur le monde syndical et sur tous ces réseaux clandestins qui, malgré la répression, continuent à exister. Une idée qui ne peut que réjouir un homme comme Irving Brown. Monsieur X l'a dit, c'est l'ancien dirigeant communiste Jay Lofton qui aide Irving Brown à grimper vers les sommets de la hiérarchie syndicale. Dans son ouvrage sur la CIA en France, Frédéric Charpier donne les détails suivants sur les débuts du jeune syndicaliste. Pour ses premiers pas dans la carrière syndicale, il bénéficie de l'expérience de sa future épouse, Lily Clara Smith, ancienne secrétaire de l'ex-chef du Parti communiste américain, PCA, Jay Lofton, un homme qui comptera dans la vie de Brown. De son vrai nom, Jacob Lipstein, Lofton a été, au début des années 1920, le protégé de la direction de l'Internationale communiste qui l'a poussé au secrétariat général du PCA. Le dirigeant bolchevique Boukharine l'utilise même comme conseiller pour les affaires américaines. De retour de Moscou, il s'oppose à la fin des années 20 à la politique de Staline et aux mesures d'exclusion qui frappent alors les trotskistes. Avec quelques centaines de militants, Lofton forme le PCA Majority Group et publie en novembre 1928 à New York le premier numéro de son journal militant quelques mois avant de fonder en mai 1929 la Ligue communiste d'Amérique. Après sa rupture avec l'Internationale, et bien qu'il ait de l'admiration pour la pensée de Marx, Jay Lofton s'engage dans une carrière de haut vol au sein de la bureaucratie syndicale de l'AFL. Après la guerre, il en commencera une autre, plus discrète, dans des cercles dirigeants de la CIA. Charpier, et c'est très troublant, mentionne que selon Pierre Brouet, l'historien du trotskisme, Lofton aurait malgré tout conservé des liens secrets avec l'Internationale communiste et avec l'ancêtre du KGB, le NKVD. La confiance de Bill Donovan dans le syndicalisme est telle que le bouillant général crée au sein même de l'OSS un département spécialisé, la Labor Branch. La branche du travail. Un secteur qui va être dirigé par un avocat de Chicago, Arthur Goldberg, qui sera longtemps plus tard le secrétaire d'État de John Kennedy, mais qui est pour l'instant l'un des meilleurs amis d'Irving Brown. Décidément, ce Brown a beaucoup de relations. Enfin, je reviens à cette coopération entre le syndicalisme et les services spéciaux. Et concrètement, comment ça se traduit? Le premier objectif, c'est en ces temps de guerre, d'obtenir la collaboration totale des syndicats. C'est-à-dire qu'on demande aux travailleurs de mettre en veilleuse leurs revendications purement syndicales. En effet, la priorité, c'est l'effort de guerre. Et ça ne pose pas de problème. Aux États-Unis, on ne fait pas appel en vain au patriotisme des citoyens. Ça ira même si loin qu'il sera demandé aux adhérents du syndicat des dockers de déjouer les manœuvres d'éventuels espions allemands introduits dans le port. Bah, étant donné les liens étroits entre ce syndicat et la mafia, c'est donc comme si on demandait à la mafia de collaborer. Et certains mafieux sauront plus tard s'en souvenir. Mais, et là je ne veux pas anticiper, hein, on verra que les rapports entre la pègre et les services secrets seront parfois très étroits. Ensuite, la Labor Branch de l'OSS est appelée à activer tous les contacts que les syndicalistes peuvent avoir avec leurs homologues européens. C'est d'autant plus intéressant que parmi les adhérents américains se trouvent nombre d'émigrés, souvent originaires d'Europe centrale. Des hommes qui sont donc invités à recruter des compatriotes. Et cela devient donc des collaborateurs de l'OSS en Europe occupée. Ça ne va pas sans arrière-pensée. Les Américains pensent aussi à l'après-guerre et à la recomposition syndicale inévitable qui interviendra. Faut donc préparer le terrain. Et planter des jalons en vue de la future compétition qui ne manquera pas de s'imposer à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Entre le communisme et la démocratie libérale. Et d'autant que des hommes comme Irving Brown y sont presque naturellement préparés. Car, ayant fréquenté de très près le monde communiste, ils estiment être les plus lucides pour juger du danger bolchevique. Les plus lucides et aussi les plus expérimentés. Car ils connaissent le système de l'intérieur. C'est ça. Alors Brown, justement, avant même le débarquement, on le trouve à Londres. Mais qui fait-il, là ? Il rencontre de nombreux syndicalistes européens, des Français, des Belges, des Polonais et même des Allemands. Autant d'hommes qui ont choisi le camp des Alliés et qui, au sortir de la guerre, occuperont des postes de premier plan dans leurs pays respectifs. Et à votre avis, là, Brown est cornaqué par l'OSS ? Bien qu'il s'en soit toujours défendu, on peut l'affirmer. Ce n'est sans doute pas un hasard si Donovan se trouve aussi à Londres et si tout de suite après le débarquement, Brown marche sur les pas du patron de l'OSS en se rendant en Normandie où il s'informe sur l'état du syndicalisme français. Puis alors que la guerre n'est pas encore finie, il se déplace secrètement en Scandinavie où il prend contact avec des leaders syndicaux. Car c'est en Norvège que s'est repliée la Fédération internationale des transports. Il y rencontre en particulier un certain Willy Brandt, un Allemand anti-nazi qui a combattu aux côtés des partisans norvégiens. Ouais, c'est le futur chancelier Weston. Oui, Brown a le chic pour dégoter les personnes qui comptent, ou qui compteront. En tout cas, au cours de ses pérégrinations, l'Américain comprend qu'il y a urgence. En Scandinavie, hein. En Scandinavie et ailleurs, en Europe. Il faut en effet savoir que dans de nombreux pays occupés par les nazis, les dirigeants syndicalistes ont parfois cédé aux sirènes de l'ennemi. Et c'est particulièrement vrai en France, où l'on a retrouvé beaucoup de syndicalistes dans les premiers cercles du pouvoir vichysois. Des compromissions coupables, qui ont permis à la CGT de s'affirmer avec raison comme la seule confédération résistante. Ouais. La CGT est largement influencée par les militants communistes. Et ça préoccupe naturellement les Américains. C'est pourquoi, dès novembre 1944, les deux grandes centrales AFL et CIO, qui sont d'ailleurs sur la voie de l'unification, créent une organisation internationale, le Comité des syndicats libres. Et c'est une machine de guerre contre les communistes ? C'est évident. Ce sont les prémices de la guerre froide. Et l'ambitieux Irving Brown est bien décidé à jouer sa partie dans le conflit qui s'annonce. À son retour de Scandinavie, il s'installe à Paris, l'hôtel Baltimore, où il résidera très souvent, devient alors le rendez-vous obligé de nombreux syndicalistes français. Brown, apparemment, reçoit sans aucune exclusive. Alors, y compris donc des gens de la CGT. Bien sûr. Mais il vous faut savoir que la CGT, qui s'est divisée avant-guerre, s'est alors réunifiée. Sous la pression des événements. Mais il existe toujours de vieux ressentiments, et ça correspond en gros à la fracture qui existe toujours entre les communistes et les militants de la vieille maison, c'est-à-dire la SFIO. Ceux qu'au sein de la CGT, on va désormais appeler les confédérés. Une scission est donc envisageable. Oui, car le fossé va se creuser à nouveau, petit à petit, entre les deux tendances. Et Irving Brown, vous l'imaginez bien, n'est pas tout à fait neutre dans cette affaire. Quoi, lui, il pousse à la scission. Naturellement. N'allons pas trop vite. Quoi qu'il en soit, le jeune Américain ne cesse de prendre du galon. Au printemps 1945, il parvient ainsi à se faire nommer délégué de l'AFL et du CIO dans les zones européennes occupées par les troupes états-uniennes. Stationné en Allemagne, il ne cesse en même temps de jeter un regard toujours très intéressé vers la France, qui deviendra quasiment sa patrie d'adoption. Mais nous allons y revenir. En attendant, Brown doit se battre contre ses propres compatriotes. Et pour quelle raison, Selon lui, les militaires ne comprennent rien à rien. Et ils n'ont pas saisi la nécessité d'aider à la création de ce qu'il appelle, lui, des syndicats libres. Des syndicats délivrés de la tutelle communiste. Ça ne passe pas trop bien, et Brown finit par se replier sur Paris en tant que représentant officiel des syndicats américains. Et il a fort à faire. Expliquez. Le Parti communiste est alors le premier parti de France. et par contre-coup, la CGT, qui n'est bien souvent que sa courroie de transmission, grossit de jour en jour. Ce qui signifie que les confédérés deviennent de plus en plus minoritaires. À la base, bien sûr, mais aussi dans les organes de direction, où les communistes se sont taillés la part belle. Et sur le plan international, c'est encore pire. À l'initiative des communistes, et donc forcément de Moscou, une fédération syndicale mondiale vient d'être créée. Ah oui, et ce sont les communistes qui la dominent. Bien entendu. Alors, que peuvent faire Brown et ses amis américains? Minoritaires au sein du mouvement syndical mondial, il ne manque pas d'autres atouts. Et d'abord celui-ci qui va beaucoup compter, l'argent. Roger Faligot et Rémi Koffer ont consacré un livre aux éminences grises contemporaines, ces personnages de l'ombre qui tissent et détissent le destin des hommes. Pour eux, Irving Brown est de cela. Dans ce passage, il détaille par le menu sa façon d'opérer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Brown est contraint à une sorte de pêche à la ligne dans les milieux syndicalistes hostiles au communisme. Parmi ses recrues de la première heure, Robert Bottereau, ancien mécanicien devenu l'un des meilleurs organisateurs du syndicalisme clandestin sous Vichy, et Auguste Largentier, mis en quarantaine par le syndicat du livre en raison de son attitude nettement moins glorieuse sous l'occupation. Reprenant son bâton de pèlerin, Irving Brown parcourt ensuite le bassin houillé du Nord. Il y rencontre Jules Carpentier et Alexis Mailly, deux figures du syndicalisme régional. Sans doute est-ce par ce biais qu'il entrera ultérieurement en contact avec un ancien tribun communiste, Albert Cornette, appelé à devenir l'un de ses meilleurs amis. Fils d'un tisserand et d'une femme de ménage, Cornette a adhéré au Parti communiste dès sa création. Après un voyage en URSS en 1924, il est devenu l'un des militants les plus connus du Nord, rival du futur secrétaire général du parti, Maurice Thorez. Un parcours sans faute du point de vue communiste, que nenni. En 1931, Cornette commet le pire des crimes, secrétaire du syndicat de la batellerie. Il passe au trotskisme, dont il se détachera d'ailleurs assez rapidement pour voguer vers d'autres eaux assez proches de celles de Vichy sous l'occupation. Irving Brown a très vite compris que face à la machine parfaitement huilée du communisme triomphant... Partie des 75 000 fusils... Oui, donc en face, seul, l'argent peut contrebalancer ce bulldozer. D'accord, mais l'argent, pourquoi faire? Pour faire exister ces quelques noyaux oppositionnels qui résistent encore à la mainmise de l'organisation communiste sur les syndicats, pour nourrir leur propagande, pour les faire sortir de l'apathie où ces anticommunistes végètent. D'autant que, parfois, ces militants recrutés par Brown n'ont pas un passé irréprochable. La collaboration. Mais l'Américain ne peut pas faire la grimace, tant les candidats sont peu nombreux. Bon, d'accord. Et l'argent, d'où vient-il? Directement de Washington, où les syndicats ont convaincu la Maison-Blanche qu'il y avait danger. Et Irving Brown est parfaitement bien placé pour bénéficier de cette manne, car son mentor, Jay Lovestone, est nommé à la tête de ce comité des syndicats libres dont je vous ai parlé. Une organisation qui ambitionne de faire un jour pièce à la puissante FSM. Oui, la Fédération syndicale mondiale. Mais pour le moment, Brown doit faire profil bas. Et que craint-il alors? Ces toutes premières années de l'après-guerre, le climat politique devient très tendu. À cause de la guerre froide. Oui, ouais. Et en 1947, on vit une sorte de paroxysme. Maurice Thorez, qui est encore ministre du gouvernement tripartite, mis en place après le départ du général de Gaulle, s'en prend violemment à l'impérialisme américain. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le plan Marshall. Oui, c'est un programme richement doté qui a pour objectif la reconstruction des pays européens ruinés par la guerre. En effet, mais pour les communistes, Washington entend ainsi mettre sous tutelle l'Europe occidentale. Alors qu'à l'Est, le rideau de fer tombe sur les pays libérés par l'armée rouge. Bref, ça chauffe. Et en France même, vous le savez, le général de Gaulle, ulcéré par le fait qu'on ne l'ait pas rappelé au pouvoir, met sur pied le RPF, un mouvement politique résolument anticommuniste qui recrute sans grand scrupule et affronte physiquement ses détracteurs. De Gaulle, il faut le souligner, est alors persuadé qu'une nouvelle guerre mondiale est inéluctable, et que les hordes de l'armée rouge finiront par déferler sur l'Europe de l'Ouest. Ouais. Une crainte qui est alors partagée par beaucoup de monde. Hein. Oui, en particulier à Washington, où l'on commence à envisager la création des réseaux gladiaux. Oui, il faut le rappeler, ce sont des structures clandestines destinées à résister à une éventuelle invasion soviétique. Hein. Oui, mais vous verrez que les amis de Brown ne seront pas tout à fait étrangers à cette initiative. En attendant, l'Américain est personnellement mis en cause par les communistes. À cause de son travail de recrutement. Benoît Frachon, un important dirigeant communiste qui est en même temps secrétaire général de la CGT, l'attaque très violemment. Pour lui, Brown est, je cite à peu près, le pèlerin des réactionnaires américains. Et Frachon de dénoncer des dollars de la corruption. Et ces dollars que Brown distribue très généreusement. Hein. Et surtout à ceux qui sont tentés par la scission au sein de la grande centrale syndicale. Alors, c'est ceux que vous avez appelés les confédérés. Là. Et qui s'opposent maintenant ouvertement aux tenants de la ligne majoritaire. Mais pour Brown, qui a toujours veillé à rester discret, hein, si je vous ai bien compris, cette accusation publique de Frachon, c'est une tuile, non? Il est certain qu'il n'a pas dû apprécier, mais il a fait le gros dos. Quoi qu'il en soit, cette confrontation politique et syndicale est encore exacerbée par les grandes grèves qui éclatent à la fin 47. Des mouvements sociaux qui sont parfois quasiment insurrectionnels, en particulier dans les mines du nord de la France. Cela vaut aux ministres communistes d'être chassés du gouvernement. Ouais. Et puis c'est la fin de l'utopie tripartite. Et des dernières illusions nées de la résistance. Les grévistes sont durement réprimés par un ministre socialiste à poigne, Jules Mock. Un ami de Brown, d'ailleurs. La guerre froide a définitivement envahi la France. Dans le contexte international, elle ne pouvait pas y échapper très longtemps. Hein. C'est juste. En tout cas, il faut noter que dans cette atmosphère de guerre civile, les leaders syndicaux états-uniens choisissent prudemment d'installer leur bureau à Bruxelles. Ah oui, pas à Paris. Et c'est là que Brown se fixe et qu'il prépare la scission de la CGT. Une rupture qui va se jouer en partie sur l'attitude à adopter vis-à-vis du plan Marshall. Mais c'est peut-être un prétexte habilement trouvé par Brown. Alors, regroupés au sein d'une tendance baptisée Force ouvrière, les confédérés menés par un personnage charismatique, Robert Bottreau, affirment qu'il faut accepter l'aide américaine. Tandis que les cégétistes proches du PC... eux refusent. Bah, bien entendu. Ouais. Et au cours d'une réunion qui se tient en décembre 1947, la rupture est décidée. Bottreau, symboliquement et bientôt suivi par d'autres dirigeants confédérés, démissionne du secrétariat confédéral de la CGT. Et quelques semaines plus tard, c'est la naissance d'une nouvelle centrale syndicale, la CGT-FO. Ouais, qu'on appellera plus communément FO, hein, Force ouvrière. Et cet aboutissement alors découle, selon vous, directement du travail de sape exécuté par Irving Brown. C'est certain. Et je reviens là à ce que j'évoquais, le nerf de la guerre. L'argent, oui. Ouais, ouais. L'Américain n'a cessé de promettre aux scissionnistes que les grands frères états-uniens viendraient financièrement à leur aide s'ils se décidaient à rompre. Quoi, pour créer, faire vivre leur nouveau syndicat. Exactement. Et ces grands frères états-uniens dont vous parlez, ce sont les syndicats américains. Mais en réalité, la vraie source... c'est le gouvernement américain à travers les fonds mis à la disposition des services spéciaux. Donc, si je vous ai bien entendu, le syndicat Force ouvrière est né grâce à l'argent américain. Mais bien sûr. Et pardonnez-moi, mais depuis le temps, c'est devenu un secret de polichinelle, même si pudiquement la plupart des dirigeants du syndicat ont fait semblant de l'ignorer, comme ils n'ont jamais reconnu que les donations ne se sont pas arrêtées au jour de la création du syndicat. Mais remarquez bien. Et ce n'est nullement une excuse que FO n'a pas été un cas unique. Il y a d'autres syndicats. Ah, mais aussi des partis politiques. Le malheureux Léon Blum, figure historique de la SFIO, sera conduit lui aussi à quémander un peu d'argent aux amis d'Irving Brown pour continuer à faire vivre le journal de son parti. Ouais, c'est le populaire. Un journal socialiste a donc été financé avec des fonds des services secrets américains. Ah, ça se comprend très bien. Les autorités américaines n'ont pas plus de sympathie que ça pour les socialistes. Mais tant qu'ils se battent contre les communistes, c'est bon. Ils méritent d'être aidés. Ah oui. D'autant qu'à l'époque, les socialistes sont franchement pro-occidentaux. Ils vont d'ailleurs bientôt approuver, sans barguigner, la création de l'OTAN et l'adhésion de la France à cette alliance militaire atlantiste. Ouais. Ce qui ne fait que creuser un peu plus le fossé avec les communistes. Évidemment. Là. Cependant. Irving Brown, en dépit de l'incontestable succès que représente la création de Force ouvrière, veut aller encore plus loin. Alors, contentons-nous de rester en France. Mais pourquoi seulement la France ? Parce que je n'aurai pas le temps de développer toutes les activités de Brown en Europe. Il est partout, cet homme-là. Il est toujours prompt à lutter contre les communistes. Allez, c'est devenu son fonds de commerce. Alors, effectivement, on le voit très souvent en Allemagne, où il encourage la formation de syndicats libres. Mais c'est surtout l'Italie et la France qui l'occupent. Mmh, là où existent les deux partis communistes les plus importants. Et aussi les deux centrales syndicales les plus puissantes. Et toutes deux très proches des communistes. En Italie, par exemple, je n'y reviendrai plus. Brown travaille la main dans la main avec un certain James Jesus Hamilton. Ouais, ça c'est l'homme de la CIA qui deviendra plus tard son chef du contre-espionnage. Et en Italie, Hamilton, avec l'aide de Lovestone et de Brown, met en place toute une série de réseaux clandestins. Autant d'officines parallèles qu'on retrouvera des années après lorsqu'éclatera le scandale de la loge P2. Bon, revenons en France, où Brown va multiplier les activités tout en faisant ami-ami avec certains gaullistes parmi les plus atlantistes, comme Jacques Soustelle, par exemple. Cependant, sa grande affaire, celle qui va le mobiliser un bon bout de temps, c'est la bagarre qui aura lieu à Marseille. Ah, bagarre autour du port de Marseille. Hein, et pour les Américains, c'est capital. Une partie du trafic de marchandises lié au plan Marshall passe par Marseille. Or, le port de Marseille, pardonnez-moi l'expression, est alors un vrai nid de coco. Il faut faire le ménage. Et Brown va s'y employer sans trop se soucier des moyens utilisés. Mais nous verrons cela la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Dans un texte publié en 1973, Robert Bottereau, qui a joué un rôle si important lors de la scission de la CGT, s'explique et raconte comment il a été amené à faire un choix différent de celui de son camarade de la résistance, Louis Saillant, dirigeant cégétiste orthodoxe. Mon raisonnement m'avait conduit à une position opposée. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Résistant avec les communistes contre Hitler, je serai avec les démocrates contre les staliniens. Je préférais le danger dont on sort au péril dont on ne sort pas. J'avais d'ailleurs la conviction qu'une voie moyenne pourrait permettre d'éviter l'un et l'autre, et la volonté de faire que notre syndicalisme fraye cette voie entre la réaction et l'aventure. Il est remarquable, mais non pas anormal, que les scissions qui affectèrent la CGT soient liées à des événements extérieurs aux objets mêmes du syndicalisme. Cela n'est que la conséquence de l'état de dépendance des syndicats communistes à l'endroit de la Russie soviétique. À noter que jamais Bottereau n'évoquera l'action clandestine d'Irving Brown, et André Bergeron, l'un des premiers dirigeants de FO, se gardera bien, lui aussi, de parler de Brown lorsqu'il publiera ses mémoires, exactement comme si l'Américain n'avait pas existé.